peu là. Ils sont pas parés. Faudrait qu'on mange un ancien. Lard, ils sont pas parés. Je vous barbare, ils sont pas parés. Faudrait qu'on mange un ancien, le temps perdu, fait qu'on se rapproche tous de l'OD. Ils sont pas parés. Y'a rien qui change, mon ami, vite baisser leur vitesse, me fait charler dans l'OD. Faudrait qu'on mange un ancien. Faudrait qu'on mange à l'ancien, le temps perdu fait qu'on se rapproche tous de l'OD. Y'a rien qui change, mon ami, vite baisser la vitesse, me fait chialer dans l'OD. Le dimanche soir, on est frères, attends de nous voir demain et on redevient OB. Ils veulent recevoir la frappe, les impatients n'ont pas le temps d'attendre le l'OD. Tu veux nous rattraper, c'est mort sur la route, on tape le doigt d'honneur, ensuite toute la langue. Récupère tes nanas au passage, se confirme, elles sont la pêche, t'inquiète, elles prennent toute la main. Réseaux sociaux, rap, si c'est toute l'année. Le flow adéquat, pas celui tout la langue. Et tâche de rester dans le pilon pour planer. Cartel, on met jamais la salle sous la langue. Ils sont pas parés, on est préparés, papa. Ils sont pas parés, on est préparés, papa. On est préparés, papa. Je le fais pas.